السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc avant de commencer le dars, juste une petite annonce par rapport du fait que là c'est donc Ayam al-Eid. Donc Ayam al-Eid sont au nombre de 7 dans l'année. Et 7 Ayam, il y a Ayam al-Eid fi sana. إنما هي الجمعة يوم عيد الفطر يوم عرفة يوم العيد الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق يعني كاليوم بكرة وبعد الغد. وينبغي للمسلم أن يذكر الله عز وجل في هذه الأيام كالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسياق أخرى. وهذه السياق يجوز له أن يذكرها متى يريد من هذه الأيام، في الصباح، في المساء، في المسجد، في الأسواق. نحن تكلمنا عن قول ابن ماذا فعل أبو هريرة وماذا فعل عبد الله ابن عمر في الأسواق، ماذا فعل العلماء يعني الصحابة في الأسواق، كانوا يكبرون والناس كانوا يكبرون مع تكبيرتهم. وليس هذا معنى أنهم يكبرون يعني مع بعض في نفس الوقت، ليس هناك شيء يدل على يعني الكورال أو يكون هناك الذكر الجماعي، وإنما الأثقال كلها عبادة لله عز وجل، ولأي شخص يعني يذكر لنفسه ولو كان في بصوت مرتفع لا بأس، لكن بنفسه. فليس الشرط أن يكون الإمام مباشرة بعد الصلاة يذكر والناس يذكرون معه، فأصبح بعض الناس يكتفون بذلك، وإنما الحق أن نذكر هذا دائما، ليس فقط يعني في هذا الوقت معين بعد أن نكتفي نروح البيت وما في شيء، وإنما هذا حتى في البيت في الأسواق وفي كل مكان. Donc c'était juste un petit rappel par rapport au jour de l'Eid. On sait que les jours de l'Eid sont donc en nombre de 7. Le vendredi, le jour donc l'Eid le fêtre, c'est-à-dire le premier du Shawwal, donc juste après le mois du Ramadan, le jour de Arafat, c'est un jour de Eid aussi, le jour du Eid lui-même, donc le 10, et les trois jours de Ayam Tashriq. Et là, on parlait par rapport à donc à l'Afkar, par rapport au fait de prononcer, donc le glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de prononcer sa grandeur subhanahu wa ta'ala. On pense que ça s'arrête que juste après Ba'da Salat, c'est tout. Mais en réalité, c'est quand tu veux. C'est pendant ces jours-là, mais où tu veux et quand tu veux. Avant la prière, après la prière, chez toi, dans les marchés. Et on a vu la preuve que certains compagnons l'ont fait, hein, comme Abu Huraira et d'autres, ils l'ont fait dans le souk, dans l'aswak, et les gens donc levaient la voix avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le disaient, ils disaient aux gens, répète après moi. Et les gens les entendaient, donc ça leur faisait un rappel, ils rappelaient. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas une question de chorale. Mais je veux dire, par exemple, moi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous allez dire Allah, et après moi je répète, et vous allez... Là, كل واحد يعني في نفسه. Chacun en vérité, donc il le fait pour soi-même. Ou alors, on a une rafa sot, même s'il lève la voix. Un rafa sot, le dalil, on a yani, justement, on lève la voix exprès, justement, pour que les gens l'entendent. Enfin, qu'on sache qu'on est dans un jour important. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdihi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنرى مع بعض بإذن الله عز وجل يعني كلمة حول محبة الله عز وجل للمسلمين. Donc nous allons parler sur l'amour d'Allah Azza wa Jal et ses causes envers les musulmans. أما بعد فهذه بعض الأسباب المعينة على بلوغ محبة الله عز وجل. من قام بها على الوجه الأكمل حصل له المقصود بإذن الله عز وجل وفاز بالأجر الموعود، وهي الغاية لكل مؤمن صادق ومحب مشتاق، وهي الموصلة بإذن الله جل وعلا إلى دار السلام ورضا المالك العلام. Donc nous allons voir quelques causes qui vont nous aider ou qui vont pousser en réalité les gens à aimer Allah subhanahu à ce que Allah azza wa jalla t'aime. Et celui qui donc met en œuvre et en application de la meilleure façon va arriver à son but. Et aura la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en réalité le but de chacun d'entre nous d'acquérir quoi ? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous aime. Donc il faut en vérité que tu atteignes chaque croyant sincère et aimant et désirant. Donc c'est ça qu'il faut en vérité, que la personne aime et désire arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour va en réalité t'amener à quoi ? À la maison de la paix, c'est-à-dire le paradis, et à l'agrément du Seigneur subhanahu wa ta'ala. ذكرها الإمام العلامة البحر والحبر فهام ابن القيم رحمه الله. Donc ابن القيم رحمه الله عليه parle de cela. Justement celui qui parle de اسباب. Donc sache, اعلم يعني أيها العبد المؤمن أن المقصود أن يحبك الله عز وجل ولا لا أن تحبه أنت فقط. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه. يحبهم و قال صلى الله نعم قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه. Donc sache en réalité que le but ce n'est pas juste que tu aimes toi Allah, mais en réalité c'est le but c'est que Allah t'aime, ça le plus important. Et c'est pas juste que toi tu aimes Allah ça, tout simplement en s'arrêtant à ça. Il faut que tu fasses en vérité des choses pour qu'Allah ça le t'aime. C'est pour ça qu'Allah dit et il les aime et eux l'aiment. Donc Allah les aime, Allah il aime ses serviteurs et ses serviteurs l'aiment. Donc le plus important c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui t'aime. فاجتهد في بلوغ ذلك فإذا أحبك الله عز وجل أنزل عليك شبيب رحمات وفتح لك أبواب خيرات. Donc bien sûr celui qui fait des efforts par rapport à cela, donc Allah azza wa jalla en vérité va lui ouvrir donc les portes de sa miséricorde. Il va lui ouvrir ses portes de sa miséricorde et de ses idées bien. يقول صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Donc goûtera le goût de la foi, le délice de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed صلى الله عليه وسلم comme envoyé ou messager. ثلاثون من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois points. Si elle est, ces trois points-là sont donc dans chez chacun d'entre nous, la personne goûtera les délices de la foi. Et parmi ces points, donc c'est justement donc ce qu'on a vu auparavant. وقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et ceux qui font des efforts envers nous, donc dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous guider dans nos voies. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Que tel cas, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis aux mes serviteurs qui ont donc commis quelques iniquités envers eux-mêmes ou injustices envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et certes, Allah pardonne tous les péchés. Et il est lui le pardonneur, le miséricordieux. Hada muhim jiddan. Anna shakhs ya'rifu anna Allah azza wa jalla yaghfiru lahu mahma kan. Il faut que la personne elle comprenne bien ça. Et ça, c'est important dans le tawhid, puis l'aqida, que la personne sache qu'Allah azza wa jalla pardonne. Il y a des gens qui commettent des péchés, ils s'imaginent être perdus. Ils disent Allah Azza wa Jalla ne peut pas me pardonner. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, elle dépasse. Et elle dépasse, elle dépasse, elle dépasse, sans compter tout ce que tu as fait comme mal. Ce que tu as fait comme mal, yani, tant que tu n'es pas entré dans le shirk, c'est rien par rapport à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc demande-lui pardon et arrête ce que tu fais. Donc là, on va entrer dans les asbab, dans les causes, qui sont au nombre de 10. As-sababu al-awwal, qira'atul Qur'an. بتدبري وتفهمي لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. Donc ici, ومراد صاحبه منهم. Premièrement, c'est de lire le Coran avec méditation et compréhension, et de rechercher sa compréhension, et de ce que Allah Azzajal a voulu dire. Comme le fait de lire donc un livre que la personne apprendrait et voudrait l'expliquer. De la même façon que lorsque tu, comme si tu voulais en vérité l'apprendre pour l'expliquer. Si tu voulais en vérité expliquer un livre, qu'est-ce que tu ferais ? Si tu voulais expliquer un livre, qu'est-ce que tu ferais ? Donc tu chercheras, tu devrais d'abord comprendre ce livre avant de pouvoir l'expliquer. Donc tu dois comprendre comme ça. Comme si tu voulais en vérité savoir qu'est-ce que celui qui écrit ce livre, qu'est-ce qu'il a voulu me dire dans ce livre-là ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce livre-là ? Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allah dit, un livre que nous avons descendu vers toi en toute bénédiction afin qu'ils méditent sur ce livre et qu'ils se souviennent et qu'ils réfléchissent donc que se souviennent ceux qui sont doués de raison. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran ou bien est-ce que leurs cœurs sont scellés ? فالله سبحانه وتعالى يسمى الذين لا يتدبرون القرآن يعني كأن قلوبهم يعني مقفورة أو مقفورة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala compare et considère que ceux qui lisent le Coran et qui ne cherchent pas à comprendre ce que veut dire ce Coran, c'est comme si leur cœur était fermé, il était scellé. Il y avait un cadenas. والسبب الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres surérogatoires, après bien sûr les œuvres obligatoires, afin d'arriver au degré de celui qui va être aimé par Allah après avoir justement donc eu justement cet amour par les œuvres qui sont obligatoires. Allah va t'aimer par les œuvres obligatoires, mais il va encore plus t'aimer par la continuité, par le rajout des œuvres surérogatoires après les œuvres obligatoires, parce que bien sûr les œuvres obligatoires elles amènent aussi à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, mais si tu rajoutes, donc c'est un rajout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce qu'en vérité il arrive à un haut niveau d'amour. C'est pas jusqu'à ce qu'il goûte le début de l'amour d'Allah Azzajal. Parce qu'Allah Azzajal va l'aimer rien que par les œuvres aussi obligatoires. Mais ça sera un amour qui sera en réalité donc plus profond et plus rajouté. Sababu thalith dawamu zikrihi ala kulli halbil lisan wal qalb. والعمل والحل فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبق المفردون كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ Troisième cause, c'est le fait de se souvenir et d'évoquer tout le temps Allah Azzawajal. À la kulli hal, en toute situation. Quand on dit en toute situation, où que tu sois allongé, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu sois en voyage, que tu sois chez toi. Il n'y a pas en vérité de moment de répit. Par le cœur, par l'acte et donc aussi par la situation. Donc cette situation, bien sûr, donc plus tu vas évoquer Allah Azzawajal, et plus Allah Azzawajal, bien sûr, donc, il va t'aimer. Allah Azzawajal dit donc, ceux qui évoquent Allah debout, assis ou allongé. Donc on comprend que ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être en voiture ou autre. Et Allah dit, ceux qui se souviennent, ceux et celles qui se souviennent ou qui évoquent énormément Allah, Allah leur prépare un pardon et une énorme récompense. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ont devancé, donc al-mufarridun. Ils ont devancé al-mufarridun. Et ils ont dit, qu'est-ce que al-mufarridun, ya Rasulallah ? Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit, al-mufarridun, ce sont ceux et elles qui évoquent énormément Allah. Donc il cite donc un morceau du verset. ذكرون الله كثيرا والذاكرات. Ceux et celles qui évoquent énormément Allah. Car en vérité, ils ont devancé les gens par la récompense. Parce que eux, les mufarridoun, donc ce sont justement ceux-là. وَالسَّبَبَ الرَّابِعِ Quatrième sabab, إِثَارْ مَحَبِّهِ عَلَى مَحَبِّكَ عِنْدَ غَرَبَةِ الْهَوَى وَتَنَسُّمِ إِلَى مَحَبِّهِ وَإِنْ صَعُبَ الْمُرْتَقَى. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقرأ صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقرأ صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Donc ici le quatrième sabab, c'est de faire passer l'amour d'Allah Azza wa Jal avant l'amour de ce que tu désires, avant l'amour de tes passions. Il y a peut-être des choses que tu aimes, mais en réalité, c'est interdit. Ça, là, il y a des choses qu'on va peut-être aimer fortement, et pourtant, la religion l'a interdit. Donc, de faire passer, même si c'est dur, même si en vérité, il y a des efforts à faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi donc. Fattabi'u, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Falamma kathura yani mudda'un, alladhina yad'un annahum yuhibbun. Allah Azza wa Jal, فطولبوا يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. Car Allah est pardonneur miséricordieux. Parce que c'est ça, l'amour d'Allah, c'est qu'en vérité tu délaisses ce que tu aimes. Donc suis le prophète. Tu aimes réellement Allah, donc délaisse tes passions. Et personne ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que ses passions soient, donc vont suivre ce dont je suis venu avec. Rawahu Tirmidhi. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam, goûte le délice de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed comme messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui donc recherche l'agrément d'Allah par la colère des gens, donc Allah lui suffira. Allah va en vérité donc le protéger contre le mal des gens. C'est-à-dire même si les gens ne sont pas contents, lui, il aime Allah Azza wa Jal. Ça ne va rien changer pour lui. Donc Allah Azza wa Jal va le protéger. Et celui qui va rechercher l'agrément des gens, en passant par la colère d'Allah Azza wa Jal, Allah va le laisser avec les gens. Wakkalahu ila an-nas. Donc il va le laisser en réalité avec les gens. Comme quoi il va le dire. Donc Allah Azza wa Jal, en vérité, ne sera pas avec lui. Il va laisser lui et ce qu'il fait. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه العبارة إثار رضا الله على رضا غيره وإن عظمت في المحن وثقلت في المون وضعف عنه الطول والبدن. Donc il dit ابن القيم رحمه الله faire passer donc l'agrément d'Allah Azza wa Jal en premier avant l'agrément d'autres que lui, même si les épreuves sont difficiles, donc elles sont énormes, et que c'est lourd à porter, et qu'il va donc, non seulement il va faiblir, que ce soit par le temps, et aussi par bien sûr le devoir, et aussi par le corps, même si cela en vérité va l'amener à faiblir, donc par quoi que ce soit, à kulli hal. وَالسَّبَبُ الْخَامِسُ مُطَالَعَةُ الْقَلْبِ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقوله من أحصاها أي من حفظها كما في الرواية الأخرى وكذلك تدبر معانيها وعمل بمقتضاه بما دلت عليه هذه الأسماء وكان لها تأثيرا في واقع حياته وكذلك الإيمان بها وعدم الإلحاد بها وهو صرف معانيها عما أريد بها من الحق فهي كلها حسنى دالة على معاني المدح والكمال لله جل وجل جلاله وتقدست أسماؤه. Donc Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit, donc si on est arrivé au cinquième point plutôt, la cinquième cause c'est le fait que le cœur en vérité est tout le temps en vérité dans le fait de se souvenir des noms d'Allah et de ses attributs. Il est tout le temps en vérité en rapport avec les noms d'Allah azzawajal et ses attributs. Et il voit cela, il voit en vérité les traces. Lorsqu'il voit la miséricorde de la mère sur l'enfant maintenant, il pense à quoi, la miséricorde d'Allah azzawajal? Car Allah azzawajal a descendu une partie de la miséricorde que les gens se partagent. Mathalan. Et il voit le khalkiya, donc il sait que ça c'est la rahma d'Allah azzawajal. Il sait que c'est sa miséricorde, c'est son fable. Il sait qu'il est généreux, il a khali, mathalan. Il verra cela. Lorsqu'il voit des gens l'éprouver, il pense qu'Allah azzawajal aussi éprouve. Il va penser en vérité à Allah azzawajal par rapport à ce qu'il voit sur la terre. Et il va connaître Allah azzawajal, il va connaître ses noms. Et donc il va en vérité, lui, vivre dans le jardin de la connaissance, ainsi que les prémices de cette connaissance. Donc celui qui connaît Allah azzawajal par ses noms, par ses attributs, par ses actes, il ne peut que aimer Allah azzawajal. Il n'y a pas d'autre solution. Le croyant, ça peut lui amener qu'à cela. Connaître les noms et attributs d'Allah azzawajal, en connaissant Allah azzawajal, c'est ce qu'il fait. Il ne peut qu'arriver qu'à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas en vérité arriver à une autre solution, le vrai croyant. Et Allah azzawajal dit, certes, à Allah les plus bons noms. Les noms les plus parfaits. Invoquez-le par ses noms. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, certes Allah a 99 noms, sans moins une. Celui qui les connaît par cœur, entrera au paradis. Bimana man arsaha, yani, il les a apprises. Il connaît l'essence et il pratique selon ça. Donc il vit selon cette pratique. Il met en vérité en pratique. S'il sait qu'Allah est généreux, donc lui doit être généreux. Parce qu'il sait qu'Allah aime les généreux. Il aime les gens bienfaisants. Il aime donc il aime ceux qui se repentent. Il a khali. Il est obligé d'en vérité de mettre en pratique par rapport à cela. Donc ici, ça ne veut pas dire que Allah n'a que 99 noms. Asma'ullah akfa min zalika. Lakin hiya min ahsaha faqat. 99 noms que si on apprend. Il y en a d'autres encore. Il y a plus que ça. Il y en a même qu'on ne connaît pas. Hatta an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ne les connaît pas. Il va les connaître yawm al-qiyamah. Quand il va les mentionner devant lui, subhanahu wa ta'ala, donc le jour dernier. Hatta al-an la ya'rifuha. Donc Allah se les a gardés pour l'instant. Personne ne les connaît. Et aussi, donc bien sûr, cela en vérité va en vérité donc avoir ça va toucher, donc ça va influer. Il y aura une influence dans sa vie. Dans sa vie. Et c'est ça la foi. Et le fait donc bien sûr de ne pas renier cela. Donc en vérité c'est quoi l'ilhad? Donc Allah Azzawajal dit bien par rapport donc délaisse ceux qui renient justement donc ces noms. L'ilhad, le fait de renier, même à la tafsir de l'ilhad, c'est-à-dire le fait de détourner le sens. Sarfu yani al-ma'ani, al-asma' al-ma'aniha. Sarfu al-asma' al-ma'aniha. Donc le fait de dire que c'est en vérité les noms ou attributs d'Allah Azzawajal n'ont pas en vérité ces sens-là. Donc par le tahrif, par le ta'til, par le tashbih, par le takif. Donc il change, il ne veut pas dire donc le vrai sens. Et tous les noms d'Allah Azzawajal sont très bons et ont en vérité donc dallatun ala ma'ani al-amal. Elles ont tous donc elles veulent tous dire en réalité, elles veulent tous revenir à des sens qui sont de louange parce que tout est parfait. Si c'est parfait, c'est que bon et complet pour Allah Azzawajal. Donc pour ça, il faut revenir donc à القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. السبب السادس 6e point مشاهده بره واحسانه والائه ونعمه الباطنه والظاهره فانها داعيه الى محبته. Le fait en vérité de voir autour de toi donc la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonté envers les gens, ces signes ces grâces qui sont cachées et apparentes. Hein? Ce que tu ressens bien, c'est les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est apparent aussi, ce que tu vois, les bonnes choses, c'est les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne peuvent que t'amener normalement à quoi ? À l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Donc si vous comptez, si vous voulez comptabiliser les grâces d'Allah, vous ne pourrez pas les compter. Vous ne pourrez pas arriver en vérité arriver à les compter. Et chaque grâce qui vous touche, elle provient d'Allah. Et chaque grâce qui vous touche dans le verset, donc provient d'Allah. Donc voici, toutes les grâces, ne serait-ce que dans une seule pièce, ici. Si on regarde donc en face de nous, 50 personnes qui sont là, ça, les gens ne pourraient même pas dénombrer les grâces qu'il y a rien que dans cette pièce. Alors que dire de ce qu'il y a donc, hein, depuis Adam jusqu'au dernier. Kayf abizalik. As-sababu sabi' septième cause. Wa huwa min a'jabiha. Inkisar al-qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah wa laysa fi ta'biri 'an al-ma'na ghayr al-asma' wa al-'ibarat. Fa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. La septième cause, et c'est parmi les plus étonnantes, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, c'est que le cœur soit avili devant Allah Azza wa Jalla. Donc il est humble, il est totalement soumis devant Allah Azza wa Jalla. Que ton cœur il accepte totalement la soumission d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est étonnant. Hein, qu'on voit que c'est. Allah Zalou ne le voit pas et pourtant tu es totalement donc, humble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, en vérité on ne peut pas expliquer le sens, on ne peut donner que des noms, mais en vérité on ne peut pas le comprendre, ce que si en vérité on l'a, ce que si la personne l'a goûté. Il n'y a que ceux qui ont goûté ça qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Là on peut sortir que des noms, c'est que des noms ce qu'on va dire. Mais comment arriver à ça si ce n'est pas en vérité, donc il dit qu'en vérité, c'est pour ça qu'il dit, certes les croyants, si on leur mentionne donc Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse, yakhafoun Allah Azza wa Jal. Kif haoula mu'minoun, wa yini yakhafoun Allah Azza wa Jal. Ils sont croyants, ils pensent, dès qu'ils entendent Allah, leur cœur frémisse. Parce que le croyant, wa ya'rifu yani qadara, wa ya'rifu annahu muznibun, et il sait qu'il commet des péchés. Donc il a peur de cela. Donc il a peur justement, il est touché par cela. Il sait qu'en vérité, il a un manque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est croyant. Et après, si leurs versets leur sont récités, leur foi augmente. Zadatum iman. Kif bil amal. On a bien vu. Comme quoi que la yujalisu ahadun hada al-Qur'an illa yani qama yani anha illa bin nuqsan ou ziyada. Bin ziyada ou nuqsan. On a bien vu que chaque personne entre nous qui s'assied avec le Coran, lorsqu'il quitte en vérité ce Coran, ou le Coran est, il se lève ou avec un ajout ou avec une diminution. Un ajout parce qu'il a lu. Et il va mettre en pratique, ou une diminution parce que lui il n'en profite pas. Donc c'est ou pour lui ou contre lui. C'est pour ça que là on voit donc Zadatum Iman. Eux c'est le contraire. Donc c'est Ziyad, c'est justement, il n'y a pas de Norsan, alhamdulillah, parce que ce sont des croyants. Ils ont lu, ils mettent en pratique. Comment leur foi est montée? Elle n'a pas monté que par la lecture. Il faut la lecture, mais accompagnée de la compréhension, de vouloir donc mettre en pratique, de comprendre et de mettre en pratique. Sahaba al-Majat Yanib. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ خَافُوا لَمَا سَمِعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ. Rien qu'ils ont entendu juste ça, si vous mettez ce qu'il y a dans votre cœur, si vous montrez ce qu'il y a dans vous-même, ou bien même si vous le cachez, Allah va vous compter. Les compagnons, ils ont eu peur, rien que par rapport à ça. Ils ont eu peur, rien que par rapport à ça. Ce verset-là, ils ont dit, comment Allah, on va dire, on va être compté de ce qu'on pense. Ils sont tous, plusieurs, ils ne sont pas venus en même temps. Mais combien ils sont venus voir le prophète sans se lui poser cette question? Plusieurs compagnons. Ils ont vu ce verset-là parce que pourquoi? Parce que ça prouve qu'ils méditent. Ce n'est pas le verset qui est passé, il ne faut pas faire attention. Ils le connaissent, ils l'ont lu 22 000 fois et puis ça tout ça. Jamais ils se sont remis en question. Là non, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et puis après, bien sûr, il est venu le verset. Donc, la yukalifullah nafsan illa usaha. La yukalifullah nafsan illa usaha. Donc Allah va. Nulle âme ne portera en vérité donc le fardeau en vérité qu'elle ne peut en vérité supporter, qu'elle ne puisse supporter. Donc elle ne va pas supporter donc ce fardeau-là. Alors elle ne va pas juger, elle va pas te juger par ce que tu penses. Alhamdulillah, sinon on irait très loin dans le mal. Donc voyez leur voix augmenter. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et bien sûr, ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. والسبب الثامن huitième سبب الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب وتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة فيقول عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Donc voici le huitième sabab, c'est en vérité d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où Allah descend, afin de l'appeler, de lui demander, Munaja, c'est en vérité demander, donc comme le pauvre qui demande au riche. Hein? C'est la situation de la personne qui a besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Et Allah descend tous les jours. Ça c'est pour toute la nuit. Pour réciter sa parole, donc le Coran. Et de se mettre, donc justement, de quoi ? Parce qu'en général, ici, tout le monde dort, c'est calme. Donc tu es plus concentré normalement pour pouvoir demander à Allah Azza wa Jal, parce qu'il n'y a que toi, Allah. Il n'y a pas de teshwish, il n'y a pas de mauvaise onde, on va dire. Il n'y a pas de choses qui vont venir, en vérité, donc interférer entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que en plus, c'est un bon moment. Alors, Allah Azza wa Jal a choisi ce moment, c'est parce que c'est un bon moment. Et donc, tu vas aussi donc avoir un bon comportement par rapport à cela. Donc tu vas avoir le comportement de l'adoré, de l'adorateur plutôt, hein, donc envers l'adoré, donc le comportement de l'adorateur envers l'adoré. Et aussi tu vas terminer cette dua-là, et cette récitation-là, cette prière-là par al-istighfar wa tawba. Demander pardon et demander et tu te repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah dit bien que leur flanc s'arrache, tatajaf. Donc ce qui est normal, regarde Allah, il vante des gens et pourtant il dit il se réveille. Donc celui qui se réveille avant Subh, dans un moment du dernier de la nuit, il serait fatigué. On va dire que c'est normal, qu'il ne croit pas que oh, je fais partie des fainéants, c'est pour ça que j'arrive pas à me lever facilement. Parce que c'est normal, puis alors c'est lui qui vend justement ceux qui se réveillent, ils ont dû s'arracher leur flanc du lit. Parce que c'est bien de dormir, ça fait du bien. On a besoin de. On sent que le sommeil c'est quelque chose de demandé. Surtout si on n'a pas plus une journée de labeur. Mais eux ils font les efforts. Et comme ils font les efforts, ils sont fortement récompensés. Donc t'as déjà fait du nouveau. Donc ils sont justement, et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent leur flanc. C'est-à-dire ils poussent, ils font des efforts en vérité pour sortir du lit. Vous voyez un peu? Ils font des efforts pour sortir de ce lit, donc et ils invoquent leur Seigneur, Kif, Khawfan wa Tama'a, en craignant quoi? Son châtiment. Khawfan min azabillahi azza wa jal. Hum la yansawna dhalika. Wa tama'an li jannatillahi wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala. Et ils espèrent son pardon et ses paradis, subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi, Allah n'a pas oublié. Et dès qu'on leur octroie encore, il donne. Vous voyez, la sadaqa, souvent on la retrouve. Et on va se rappeler, justement. Souvent on retrouve la générosité avec, regardez. Là, on pourrait dire, qu'est-ce qui se passe? On parle de la nuit, pourtant on parle encore une fois de donner en aumône, subhanallah, dans ce verset-là. Et puis, Allah donc dit bien, peu de nuit, donc... Et il dormait, et justement, donc le soir, il demande pardon. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit bien, donc notre Seigneur descend, tabaraka wa ta'ala, chaque nuit, au ciel, au premier ciel, donc ce qui est le premier ciel, lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque, je lui réponds. Qui me demande, je lui donne. Et qui me demande pardon, je lui demande pardon. Je lui pardonne. Wassababu ta'asi'u, mujalasatul muhibbin, as-sadiqin. والالتقاط ثمرات أطائب كلامهم مما ينتقى أطائب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. De s'asseoir en vérité avec donc ceux qui aiment Allah Azza wa Jal et ceux qui sont sincères et véridiques. Et tu vas essayer de rechercher d'eux les meilleures paroles. Tu vas choisir d'eux les meilleures paroles De la même façon qu'on choisit donc les meilleurs fruits. Lorsque tu te retrouves face à des fruits, qu'est-ce que tu fais? Tanzo, salala, où tu prends le premier venu, tu mets dans ta bouche. N'est-ce pas que tu regardes? Eh bien, essaie de rechercher les bonnes paroles, justement, pour te profiter. Prends, tu restes avec ces gens sincères, mais en plus, tu reprends d'eux, donc tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur. Et ne parle pas, et dis, que si tu es sûr que cette parole va être profitable auprès des gens. C'est pas en vérité non kathir el kalem. C'est pas en vérité donc trop parler. C'est en vérité mais bien parler. Et que tu vois que cela va être profitable, va en vérité t'élever en rang, hein, et sera profitable pour les autres. C'est un bien pour toi, dans le sens que ça va t'élever parce que ça va être profitable pour toi, parce que c'est des choses qui sont bonnes pour toi, mais aussi ça fait profiter donc les autres. Wa qala ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Donc il y a, afwan, parce que j'ai dit قُلْ, il n'y a pas قُلْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Ô ceux qui ont cru, craignez Allah et soyez, c'est-à-dire restez avec les véridiques. كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وَقَالَ تَعَالَى وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكُمْ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Donc dans surat al-Kahf que vous connaissez. Patiente, donc on va وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, prends donc ton mal en patience avec ceux qui adorent ou à fond avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir et ils espèrent sa face. Donc reste à arrêter avec les gens qui sont bien. وَالسَّبَبُ الْعَشِرُ مُبَاعَدَتْ كُلِّ سَبَبِ يَحُرُوا بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. De s'éloigner, de s'écarter contre toute cause qui va en vérité être une barrière entre le cœur et entre Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas donc à celui qu'on a distrait, qu'on a en vérité donc détourné son cœur, ou bien distrait le cœur de notre rappel, et qu'il suit ses passions, et en vérité donc qu'il dépense mal sa façon de faire, c'est-à-dire comme quoi en vérité ses œuvres sont mal faites. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Certes, Allah Azza wa Jalla n'a pas donné à un homme deux cœurs dans un seul corps. Donc en vérité, garde ton cœur dans les bonnes choses. Si tu vas le ramener dans les mauvaises choses, donc tu vas te retrouver avec ce cœur-là qui va prendre. Tu n'as pas deux cœurs, un que tu peux mettre de côté et un que tu peux garder. Tu as en vérité un seul cœur. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana a'na shurakai ani shirk. Man amina amana ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkuhu. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudsi, je suis le plus riche donc des associés contre justement vis-à-vis du polythéisme. Et celui qui commet donc un œuvre, donc qui commet en vérité un acte, il m'associe dans ce, donc prend avec moi des associés dans cet acte, je laisse lui et bien sûr ce shirk. Je laisse lui et son shirk. Donc voici ici en vérité donc les asbab, les 10 points qu'on vient de terminer par rapport à cela. Donc par rapport à cela. On peut retrouver donc ces 10 points dans Madarij al-Salikin de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Et aussi qala rahmatullah ta'ala sur Ibn al-Qayyim rahmatullah par rapport à al-mahabba. Wa ha huna amrun 'azimun yajibu 'ala al-labib al-i'tina bihi wa huwa anna kamal ladhati wal farahi was surur wa na'im al-qalbi wa ibtihaj al-ruh tabi' li amrayn. Sache, donc ici, il vous montre ici un point très important. Il est demandé à tous ceux qui sont doués de raison de prêter attention à ça. C'est que le délice complet est le plus grand bonheur, la plus grande joie, les plus grandes grâces du cœur, et aussi donc la félicité en vérité de ses cœurs et de ses âmes, suivent deux choses. Awalan kamal al-mahboub fi nafsihi wa jamalihi wa annahu awla bi ithara. Premièrement, c'est d'aimer complètement donc Allah Azza wa Jalla en soi-même. Kamal al-Mahbub. C'est de savoir plutôt qu'Allah Azza wa Jalla il est complet. Donc Allah Azza wa Jalla il est complet de toutes parts. Allah Azza wa Jalla donc il est complet. Si la personne tu penses, il est, c'est le plus, donc ses noms, ses attributs sont les plus complets, sont les plus beaux. Et c'est lui qui mérite le plus de recevoir donc cet amour contre toute chose. وثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء. Et c'est de, donc plus que Allah Azza wa Jalla est complet. Et tu dois l'aimer plus que tout. Donc ton cœur doit être vidé de tout l'amour, ni par rapport à l'amour d'Allah ce matin. Dans le sens, bien sûr, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer ses enfants. Mais ça fait partie, c'est un tabac, ça fait partie de la continuité de l'amour d'Allah ce matin. Tu aimes, comme tu aimes Allah Azza wa Jalla, donc tu aimes tout ce que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné. C'est ça en vérité que ça veut dire. Aimer Allah Azza wa Jalla, donc c'est tout simplement d'aimer tout ce qu'il a ordonné et de détester tout ce qu'il nous a en réalité donc interdit. Et de faire passer l'amour d'Allah Azza wa Jalla, hein, donc de chercher à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla avant tout. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, c'est le, donc le plus grand amour qui puisse exister. Quand tu aimes quelqu'un, tu voudras être tout le temps avec ça là. Ben le fait que donc tu dois te rapprocher plus d'Allah parce que tu dois le plus l'aimer. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتشرح الصدر وتحيي القلب وكذلك محبة كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل ومحبة كلام الله عز وجل فإنه من علامة محبة الله عز وجل. Et aussi le fait donc l'amour d'Allah عز وجل va quoi, va en vérité illuminer le visage, va élargir la poitrine et va faire revivre le cœur, vivre le cœur, il va faire en vérité naître ce cœur, va le faire vivre réellement. Et aimer aussi la parole d'Allah Azza wa Jalla, donc le Coran, et ça fait partie des signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghayrika min mahabbati Allah Azza wa Jalla, fanzur mahabbata al-Qur'an min qalbika. Wa tazazzuz bi sama'ihi. Wa a'zam min tazazzuz, nam. تزاد أصحابي الملاهي والغناء والمطرب بسماعهم. Donc tu vas en vérité aimer le Coran, l'écoute du Coran, encore plus que tu verras les gens aimer leur chanteur. Les gens quand ils aiment leur chanteur, on voit comment ils sont. Tu dois aimer, donc ça dans un moment, c'est-à-dire que le Coran doit encore plus te toucher que les gens sont touchés par les chanteurs. N'importe qui est touché par la musique. Le fait que la musique elle fait au cœur ce que Shaitan n'arrive pas à faire au cœur. T'arrives pas au dalil ou à l'être six mois, il entend la musique, il bouge tout seul. Ça là. À Ouladouna, nos enfants, façon de parler, ils écoutent la musique, comment ils sont? Ils gesticulent. La musique, elle a un effet sur le cœur que le Shaitan lui-même n'arrive pas à avoir. Non. Et il y a dans le Coran, chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala donc, mentionne justement donc, la musique, il mentionne le Shaitan avec. Lorsqu'il parle de Shaitan et ses instruments, on parle de la musique. La musique et Shaitan, donc, ils sont associés à Kulahad, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pour montrer. C'est pour ça que tu y insistes, c'est pour dire c'est par rapport à ça. Parce que, on a les exemples réels, et on connaît l'état que ça fait sur les gens, la musique. Si c'est triste, si c'est trop rapide, si c'est ceci, si c'est cela. On connaît les intonations, les ceci, les cela. Donc, bien sûr, ça c'est parmi des kalam du compagnon du prophète qui disait ça. Il dit en vérité, si tu veux connaître ta situation face à Allah Azza wa Jalla, donc à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, donc connais ta situation face à l'amour du Coran. Comment tu es toi et le Coran? Parce que c'est qu'à travers le Coran que tu connais ça, que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te connais par rapport au Coran en vérité. Tu te connais. Tu aimes Allah, donc tu veux dire ce que tu veux, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu le sais. Comment tu es toi réellement avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Othman radiallahu anhu, lo zaharat qulubuna. Il dit vraiment, si nos cœurs étaient purs, ils ne seraient jamais rassasiés de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Mais comme nos cœurs sont impurs, on n'arrive pas, on peut l'écouter 3 minutes et après on va le délaisser 22 heures. Maintenant. Ou bien on va le délaisser X jours. Ou bien. Si tu prends le temps que tu regardes combien réellement pour le Coran, et le temps qu'on met pour le reste, on verra que le Coran il est en X position. Il n'est pas réellement en première position. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Othman, pardon, il dit, si nos cœurs étaient réellement purs, ils ne se seraient jamais rassasiés de la parole d'Allah. Vous voyez un petit peu. Zid, Wa'id, Wazid. Et on a vu Salaf. Ramadan, en un jour, deux jours, ils terminent le camp. Et toute leur vie, sept jours, ils terminent le camp. C'est-à-dire qu'ils lisent au moins 100 pages par jour. Celui qui lit beaucoup, spécialement les jeunes quand ils rentrent dans l'islam dans le début, ou bien quand ils commencent à revenir vers l'intéressement de la religion, surtout les livres en français. Ils arrivent ou ils n'arrivent pas à lire 100 pages par jour. Tu les lis ou tu les lis pas? Tu les lis. Combien de frères ils arrivent, ils les lisent, tu lui donnes un livre, 5 jours après, tu as dit je les lis. Ça? Ils vont le lire, non, mais parce qu'ils ont envie de lire. On me donne un livre de 80 pages en français. Et quand j'ai envie de surtout dans les débuts, tu as soif, tu le lis facilement. Ben voilà. Imagine que tu lis 80 pages de Coran. Tu les termines au bout d'une semaine. C'est pas grave. Donc voici. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, Rahmallah, wa innama عبد الله ما يرضيه ما يرضى الله عز وجل أو ما يرضيه ما يرضى الله عز وجل أو ما يرضي الله عز وجل ويسخطه ما يسخط الله عز وجل ما يسخط الله عز وجل يسخطه ويسخطه ما يسخط الله عز وجل يسخطه ما يسخط الله عز وجل ويحب ما أحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما أبغضه الله عز وجل ورسوله ويوالي أولياء الله عز وجل ويعادي أعداء الله عز وجل وهذا هو العبد الذي استكمل الإيمان. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il démontre. Il dit en vérité qui sont en vérité les gens de bien, les gens qui ont la foi complète. Il dit certes, adore Allah réellement, donc celui qui agrée ce que Allah Azza wa Jalla agrée. Il est en colère contre ce que Allah Azza wa Jalla. Donc, il est en colère. Il aime ce que Allah et son envoyé aiment. Il déteste ce que Allah Azza wa Jalla et son envoyé détestent. Il a comme ami intime, ou qu'il a comme compagnon ce que Allah Azza wa Jalla. Donc, il est allié avec ceux dont Allah Azza wa Jalla s'est allié. Et il est aussi donc ennemi de ceux dont Allah est ennemi. Voici en réalité celui qui a complété la foi. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa ka istakmala al-iman. Donc justement tout ce hadith justement il est là. Wa awsaq al-iman al-mulawa al-muwala fi Allah wa al-mu'ada fi Allah wa al-hub fi Allah wa al-bughd fi Allah 'azza wa jalla. Fa hada min din Allah 'azza wa jalla wa laysa yani kalam yani fadi. L'alliance la plus solide de la foi, c'est justement donc d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc, d'aimer et de détester pour Allah Azza wa Jal. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ahabba al-a'mali ila Allah Azza wa Jal al-hubbu fi Allah wa al-bughdu fi Allah. Certes, parmi les actes les plus aimés auprès d'Allah, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Si Allah il aime la prière, et que toi tu n'aimes pas la prière, comment tu vas faire partie de ceux qui aiment Allah et qu'Allah aime? Si Allah déteste l'alcool et toi tu aimes l'alcool, comment tu vas faire partie en vérité réellement de ceux qui auront donc ça? Donc il y a un problème ici. On voit donc ici justement un problème. Presque maintenant. كذلك ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار. Trois choses que si la personne possède ces trois choses aura goûté donc les délices de la foi. Qu'Allah et son envoyé sont plus aimés auprès de lui que n'importe quoi, n'importe quelle donc, autre personne. Et qui aime la personne, tu ne l'aimes que pour Allah Azzawajal. Un tatouhibul muslim, l'Allah Azzawajal. Si tu aimes quelqu'un, c'est pour Allah Azzawajal. Soit parce qu'il est riche, soit parce qu'il a, tu as à ce moment-là, donc il a un matériel que tu as besoin pendant une semaine ou quoi que ce soit. Là, c'est en réalité donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas pour le dunya. Et que tu détestes, qu'il déteste de revenir au kufr comme il déteste qu'il soit jeté au feu. Parce que le kufr, c'est le feu. Le couf, c'est le feu. Donc tu vas détester le couf comme tu vas détester aussi l'enfer. فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر. فكان هذا من تمام حبه لله. Donc celui qui aime Allah Azza wa Jalla et son prophète plus que tout, celui qui aime le musulman pour Allah Azza wa Jalla, lui en vérité lui fait partie des ceux qui ont les foi les plus complètes. Et puis aussi Allah subhanahu wa ta'ala donc il montre. Lorsqu'il dit par rapport, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. Dans le sens où, certes, Allah donc viendra avec un peuple qu'il aime, et eux aiment Allah. Ils sont donc doux, ils sont compatissants envers les musulmans. Et il montre en vérité une izza devant les mécréants. Dans le sens où la religion d'Allah, ils ont pas honte de la religion devant les autres. Il n'y a pas de honte, c'est la religion d'Allah. Il n'y a pas de honte. Parce que celui qui n'est pas dans la religion d'Allah, il est moins que toi. Alors pour quelle raison tu vas en vérité le mettre au-dessus de toi? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Si tu le mets au-dessus, tu as un problème. Tu as un problème justement deux fois. C'est un problème qui revient à la fois. On n'a rien à cacher. Et on n'a pas à mentir pour faire plaisir sur tout ça. Donc on va protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc c'est comme ça qu'Allah justement, il nous rend la izza. La izza, elle est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a vu dans la khutbah d'hier. Walillah al-izza al-jami'a. Et toute la izza, elle revient à Allah azza wa jalla. Hein, au yabtaroun, hein. Il a recherché, il a recherché autre que lui. Les gens maintenant recherchent la izza chez autre que la religion d'Allah azza wa jalla. Par un métier, par ceci, par cela. Il faut être riche pour qu'on puisse avoir la izza. Ça, c'est du bluff. C'est pas vrai. Parce que Allah, quand tu donnes la richesse, des fois, il casse. Et on le voit bien. Et on en vit. Les gens, ils construisent comme des fous aux Émirats. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Regardez ce qui leur arrive. Quand Allah, il descend. Par centaines de milliards de dollars, tout de suite, de coups dans la tête. Imaginez-vous un peu. Cet argent-là, elle ferait beaucoup de bien à la communauté musulmane plutôt que construire des choses qui sont haram à kulli hal. C'est pas du halal, hein. 500 étages et les trucs les plus beaux du monde, c'est pas du halal. C'est en réalité du haram. Parce que ça, c'est du israf, c'est du tasrif. Et ça, c'est clair que un nabi sallam n'aurait jamais fait ça. Tous les khulafas, ils auraient jamais fait ça, même s'ils avaient cet argent-là. On n'a pas dit qu'on peut se permettre d'avoir des choses qui sont de bonne qualité, tout ça et tout. C'est pas un problème. Mais ça, c'est il y a du israf. Hatta le khulafa rachidin, Omar ibn Abdelaziz, il n'était pas comme ça. Hatta le Malik Abdelaziz, rahmallah, Malik Faisa, son fils, le premier fils de Malik Abdelaziz, il faisait attention à l'argent que celui qui venait après, il a rien compris quand il a ouvert les clés, quand il a connu réellement ce qu'il y avait comme argent en Arabie Saoudite. Et c'est là qu'il y a lui qui a commencé à permettre à tout le monde à donner, parce que tellement il faisait attention. Il est économe, donc les caisses elles étaient tellement remplies que c'est là qu'à un moment donné, tout le monde, ils ont dit les Saoudiens sont trop riches. Parce que pourquoi ils ont été trop riches? C'est pas juste le pétrole comme ça. Parce que quand le pétrole sort et qu'il y a beaucoup de dépenses, il y a des dépenses. Mais c'est parce qu'il y avait un bon économe juste avant, pendant des années. Il a bien économisé et celui qui est venu après, il a retrouvé une des grandes richesses. Donc le pays s'est développé très rapidement comme ça. Mais c'est une stratégie de sa part, rahmallah. Et c'est ça en vérité, justement, donc les choses. C'est ça en vérité, c'est de savoir comment donc dépenser. Donc, comme on l'a dit, donc c'est l'izza, elle n'est pas dans ça. Et ça, c'est une grande erreur que les gens font. L'izza, elle est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, elle est dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas fi bil mal. Parce que Allah, la richesse, elle monte et elle descend. Allah, il donne la royauté à qui il veut, la descend à qui il veut. Tout le monde, Qaroun, Fulan ou Allan, ils sont tous morts et ils n'ont rien avec eux. Donc celui qui a en vérité, celui qui a, il sait que c'est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple que s'il change ce qu'il est en lui-même. Fabil iman mumkin yarji'un ila al-haq, ila al-khair. Donc en général, ahlu al-fasad, justement, ils font justement ce genre de choses. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Donc certes, si réellement vous aimez Allah, donc suivez-moi donc. Et Allah va vous aimer. Donc Allah va vous aimer. Donc c'est par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici. Fa sidqu mutaba'ati rasuli sallallahu alayhi wa sallam dalilun wa burhanun ala sidqi mahabbati Allah azza wa jalla. Le fait donc d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dalil comme convertis tu es proche d'Allah. Dis-leur, parce que Nes, ils sont venus, ils ont dit nous on aime Allah. Donc Allah il dit, dis-leur, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi. Vous vous dites que vous aimez Allah, vous prétendez. C'est ce que vous êtes en train de dire maintenant. D'accord, donnez-moi les preuves. Et les preuves, c'est donc suivez-moi donc. Fattabi'uni. Et après voilà la récompense. Donc voici. Donc ça c'est imtihan. Ils appellent ça parmi ces versets, c'est parmi les versets de l'imtihan. C'est les versets de quoi? Des épreuves. Ça, c'est un verset qui en vérité une épreuve pour nous. Ici, il y a une épreuve. Il y a un charte, il y a une condition. Aimer le prophète, donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement le suivre. Là, on a bien dit le suivre dans ce qu'il fait. Comment il prie, comment il jeûne, comment il se comporte. Il a khairi. Donc, on doit faire pareil. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc comme le dit Da'awi, Malam yaqimu aliha bunyan ashabuha ad'iya. Comme le disent donc les poètes, ils disent donc Da'awi. Les prétentions, tant qu'elles ne sont pas suivies de preuves, ce ne sont que des prétentions. C'est-à-dire ceux qui ont fourni ces prétentions, ce ne sont que des prétentieux. Voilà comment ils disent les Arabes. Donc si tu prétends aimer, mais que tu ne montres pas de preuves, tu n'es pour l'instant un prétentieux. Donc en vérité, chez l'Arabe, ça. Et ça, c'est connu. C'est-à-dire, c'est honteux. C'est ça qui est bien chez l'arabe. C'est qu'ils ont des choses bien spécifiques, bien en vérité connues. Donc, tu n'arrives pas à les rouler. Ça, c'est un peu comme ça. L'arabe, ils sont, tu le fais. Tu le fais une fois, les vrais arabes. Tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux fois. On a remarqué ça dans les pirates, ils sont comme ça. Pourquoi on dit qu'ils sont vicieux, les arabes? Ou bien on va utiliser qu'ils sont en vérité par rapport à nous, ils sont plus malins. Non, c'est parce qu'ils ont des règles. Et ils vivent avec. Et c'est bien. C'est que si tu vas, tu prétends, tu fais autre chose, bah, ça, t'es déjà catalogué, on va dire. Catalogué. Et le croyant ne se fait pas mordre deux fois. Donc si tu prétends quelque chose et que tu ne mets pas en pratique, ce ne sont que. Donc tu n'es qu'un prétentieux. Voyez un petit peu. C'est quand même, c'est chaud. C'est pas. Nous, on va se faire avoir parce qu'il l'a dit. Alors que peut-être qu'il va réussir des fois à nous avoir 15 fois. Il l'a dit. C'est que en vérité, da'awi. C'est pas suffisant. C'est en vérité, al-amal, celles qui vont prouver en réalité les choses. Ibn Kathir, rahmallah, il dit Hadi al-aya, al-karima. حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على طريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc Ibn Kathir rahmallah, il dit ce verset noble donc, hein, qu'on a vu auparavant, donc in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ce qui en vérité c'est lui qui va juger justement par rapport à tous ceux qui prétendent aimer Allah azza wa jal, alors que pourtant on va voir que celui-là il ne suit pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on la connaît, elle est dans les livres, donc on va pas se faire rouler, on va pas se faire avoir, tout simplement. C'est pour ça que des fois les gens disent mais comment tu sais que tu es dans la vérité? Nous on a des preuves, mais toi qu'est-ce que tu as comme preuve? Elle est là la différence. Parce que des gens, alors ils sont perdus, masakin, parce qu'ils n'arrivent même pas à savoir qui est-ce qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Parce qu'il ne sait pas que l'islam a protégé les preuves. Il ne sait pas tout ça, le pauvre. Alors lui, il croit que c'est on ne sait pas. On va prendre le premier qu'on veut, on ne sait pas où est la vérité. Ils savent eux-mêmes des fois pas où ils sont dans la vérité. Ils se posent encore des questions sur ça. Donc en vérité, il dit cette personne-là ment sur sa prétention, sur ce qu'il prétend. Hein? Et en même temps, on le voit qu'il ne suit. Jusqu'à quoi il sera menteur, on va le considérer comme menteur jusqu'à ce qu'il nous prouve et qu'il suive en vérité donc la vie, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager, dans ses actes, dans ses paroles et dans ses situations. Dans tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va prononcer, qu'il va dire c'est religieux, il faut que tout soit en vérité de la religion du prophète. Tout. On ne va pas lui dire la moitié on accepte, la moitié on refuse. Tout. Là, ça, normalement, il n'y a pas. Il pourrait, même qu'il vous prévienne qu'une chose de fausse, on lui dira cette chose-là, elle est fausse. On ne va pas lui dire cette chose-là parce que tu as dit 99% de choses bonnes, cette-là, elle est fausse, on est sûr qu'elle est fausse, alors on la prend quand même. Non, le hamdoulah, ça fait quelqu'un de bien parce que 99% il fait du bien, il s'est trompé maintenant dans celle-là. Mais celle-là, c'est une erreur, ça reste une erreur, qui qu'il soit. Qui que la personne en vérité soit en face de toi. Il n'y a pas une question de ça, c'est une question de religion dans l'instant. Et aussi, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui commet un acte, juste un acte, et qui n'est pas des nôtres, qui n'est pas de notre religion, son acte est rejeté. Un, wahed. Il donne jami' al-ibadat, yajib al-insan, et yakumu aliha bidjalil. Donc c'est pour ça que toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé, obligatoire pour chaque croyant, de ramener une preuve en cela. Natikum bimithal, wa nantahin shala bidjalik. Je vous montre juste un exemple, après on termine avec cela. Donc, il y a un chars, il y a un lana, après la isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a un isha, il y a ما قام على ذلك بدليل فهذا يعني لجميع العبادات خذوا هذه القاعدة لجميع العبادات S'il y a une personne qui vient qui vous dit maintenant après l'échange, dans une heure, on va prier une sixième prière obligatoire. Vous allez lui dire quoi? Vous allez dire non mon frère, on va pas prier parce que l'islam n'a pas ordonné cela. Vous êtes d'accord? Eh bien, cette règle-là, il faut l'appliquer dans toutes les choses. Dans toute l'adoration, on l'applique. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer une nouvelle adoration. Parce que si on a le droit d'inventer une nouvelle adoration, ben alors pourquoi pas celle-là? Vous avez compris? Si on rentre dans la règle qu'on accepte les autres, eh bien celle-là aussi, on va l'accepter. Pourquoi pas? Pourquoi elle et pas l'autre? Là, elle a fait jamais à l'ibadat. Yani, elle okouf. عند العبادات المنع إلا إذا قام بالدليل أما في العادات والمعاملات يعني الإباحة إلا إذا قام الدليل بالتحريم. Donc dans l'ibadat c'est le contraire, tout est interdit, tout est à l'origine interdit sauf si on a une preuve qu'on peut le faire. لماذا دعنا نصلي خمس صلوات لأن عندنا دليل على ذلك. Pourquoi on a pris cinq preuves? On a pris cinq preuves avant les dalils ou après les dalils? Après que les preuves sont descendues, le Coran est descendu avec les versets et ou bien la sunna, les cinq prières obligatoires existent. On les connaît, on le met en pratique. Mais dans les choses de la vie d'ici-bas, tout est halal, on le sait, sauf ce qui nous a été prouvé qui est haram. L'alcool, hein, le porc, ce qui a été engorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Hein, donc, après ceux qui ont des chromosomes, certains animaux. On connaît, c'est précis. On n'a pas eu besoin de délire pour nous dire la cerise, elle est halal. Par exemple, ou bien la framboise, ou bien certains fruits qui ne seront pas mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna. Pourtant, on les mange. Parce que là, c'est le contraire. C'est yajouz. Sauf si quoi, on a une preuve que c'est haram. L'ex. Fahakada jaa, yani, anda usul al-din, anda usul al-fiqh. Donc ça, c'est dans les bases du fiqh. Dans la religion, dans les adorations, tout est haram, sauf à preuve du contraire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas inventer. Mais dans les choses de la vie d'ici-bas, hein, les actions, tout ça, c'est-à-dire comment on va faire, c'est-à-dire par rapport aux choses qui sont moubères, comme la nourriture par exemple, un exemple de la nourriture, tout est halal, sauf avec preuve. Et comme on a des preuves qu'il y a des choses qui sont interdites, alors ça devient interdit. S'il n'y avait eu aucune preuve que le porc était interdit, il n'aurait pas été interdit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est tout simplement le principe. Ça, c'est un principe qu'il faut prendre avec toute la religion. Barakallahu fikum, subhanak wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Yani fi takmila ba'd al-isha. Ba'd al-isha, on continue, inshallah.